Frédéric Sigrist, à vous de partager un blockbuster avec nous. Alors, je suis surprise parce que vous voulez nous parler du premier Jurassic Park et pas du dernier Jurassic World, le monde d'après, qui est sorti il y a 15 jours. Tout à fait, Mathilde, je ne veux pas parler de ce film. Et pourquoi donc ? Parce que je l'ai vu. Et c'est si terrible que ça ? Vous savez, Mathilde, on dit que les dinosaures ont disparu à cause d'une météorite, c'est faux. Ils ont sûrement vu ce film en avant-première. Alors je rappelle l'histoire de Jurassic Park aux auditeurs. C'est l'histoire de scientifiques suffisamment intelligents pour savoir recréer des dinosaures, mais pas assez pour savoir que c'est pas une bonne idée. Parce que c'est tout de même la sixième fois que les dinosaures essaient de manger les visiteurs. Jurassic Park, c'est un Disneyland où ça fait quand même juste six fois que Tic et Tac bouffent des gosses. Donc je sais pas qui gère la commission sécurité, mais à mon avis c'est le même qui a géré le Covid. Hein. C'est le Jawad des parcs d'attractions. Hein. Oh, je suis désolé monsieur le juge, ça avait l'air d'être un tyrannosaure bien sous tout rapport. Hein. J'aurais jamais imaginé qu'il pouvait manger des gens. Mais pourtant dans ce dernier volet, tout le casting de la saga originale était de retour. Ah oui, oui, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern sont bien de retour. Il y a plein de gros dinosaures en image de synthèse qui courent après les gens pour les manger. Mais donc qu'est-ce qui manque ? Spielberg ! La mise en scène de Steven Spielberg. Parce que Jurassic Park, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était pas qu'un défilé de dinosaures énervés. Le premier Jurassic Park, c'est le mythe d'Icare revu et corrigé par Steven Spielberg. Vous vous souvenez tous du mythe d'Icare, le fils de Dédale qui s'est brûlé les ailes à vouloir voler trop près du soleil? Eh bien là, Icare s'appelle John Hammond, le richissime PDG d'une puissante compagnie à la pointe de la génétique qui dépense sans compter, il arrête pas de le répéter, hein, et qui réussit à extraire l'ADN d'espèces disparues grâce à des moustiques fossilisés. Son premier réflexe, c'est d'en faire un parc d'attractions. Il tord les lois de la nature pour faire du profit et alimenter la société absurde du spectacle. Alors vous allez me dire, oh ben c'est très manichéen comme histoire Frédéric, personne ferait un truc aussi stupide pour de l'argent dans le monde réel. C'est vrai que c'est des jeux... C'est moi que vous imitez là ? Non, justement, je vous insulterai pas. C'est vrai que des jeux olympiques d'hiver organisés dans des pays où il n'y a pas de neige, ou une coupe du monde de football organisée dans le désert, dans des stades climatisés fabriqués par des esclaves modernes en 2022, ça aussi ça serait du jamais vu. Le souci, c'est que les dinosaures, qui sont l'incarnation même de la nature chez Spielberg, ne jouent pas le jeu et ne se montrent pas. C'est même un des enjeux d'une bonne partie du film, les dinosaures n'obéissent pas à la loi du marché ou aux horaires des parcs d'attractions. Et ce qui fait Jurassic Park un si grand film, tout comme Les Dents de la Mer, du même réalisateur, c'est que pour paraphraser Sacha Guitry, quand il parlait de Mozart, l'absence de dinosaures chez Spielberg, c'est encore des dinosaures. Spielberg sait bien que ces dinosaures sont une force de la nature trop grande pour intégrer le cadre de son image. C'est une royauté d'un temps oublié qui doit être annoncée comme il se doit. Comme tout ce qui est bien fait, il faut des préliminaires. Calme-toi, Anthony. Les images de Jurassic Park qui restent en tête, c'est un ver ou une flaque d'eau qui ondule au rythme du pas lourd d'un T-Rex s'approchant. Ce sont des feuillages qui s'agitent quand les vélociraptors se mettent à chasser. Une chèvre ou une vache dans un enclos qui disparaît subitement. Et puis une pupille, une patte de T-Rex, une griffe de raptor, des dents. Un tyrannosaure qui apparaît dans un rétroviseur de Jeep, car oui, ces créatures sont bien derrière nous. Jurassic Park, c'est un film sur la vengeance de la nature, sur l'arrogance des hommes. Et d'ailleurs, quelles sont les premières cibles de ces Frankenstein du Jurassic? Les enfants. Pour Spielberg, il ne fait aucun doute que le prix à payer pour l'orgueil des hommes à déréguler la nature, ce seront les enfants qui le paieront en premier. Greta Thunberg n'est rien d'autre qu'une enfant d'un film de Spielberg qui prendrait la parole. Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum dans le premier Jurassic Park sont un petit peu comme Indiana Jones, du même créateur, des archéologues, des paléontologues, des gens qui fouillent le passé pour mieux le comprendre, pour mieux comprendre le présent. En fait, c'est des spectateurs privilégiés, respectueux du sens de l'histoire du monde. Les montrer en train de poignarder, d'enflammer ou de s'acharner sur un dinosaure comme c'est fait dans le dernier film, c'est montrer qu'on a vraiment mais pas compris le message de Spielberg et qui étaient vraiment ces personnages. On n'exploite pas la nature, on n'exploite pas les dinosaures, et pourtant, c'est exactement ce qu'a fait Colin Trevorrow, le réalisateur et responsable des trois derniers films. Eh bien, félicitations Colin, tu es désormais le méchant de l'histoire. Frédéric Sigrist pour la chronique Blockbuster, et puis une bonne nouvelle quand même pour les auditeurs, vous allez revenir tout l'été Frédéric. Tout l'été, l'heure du décès annoncée pour mi-août. Tous les jours à 17h. Ah bah c'est parfait, merci beaucoup Frédéric Sigrist, mais avant l'été, il y a quand même vendredi prochain. Vous revenez, c'est pas fini.